Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. En récompense de votre labeur, une demi-boule de pain noir. Une demi-boule, monseigneur ? Si ça vous fait trop, je peux donner moins. Monseigneur a raison, trop de mangeaille m'alourdirait. Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a gérée hier et qu'il peut être plus difficile de recruter et fidéliser ses salariés, le CIC propose une offre de prévoyance et de santé collective pour les aider à faire face aux aléas de la vie. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Contrat souscrit auprès d'ACM IRDSA et ACM VSA, entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions en agence et sur CIC.fr. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le récit d'une polémique sans fin qui peut se résumer à cette question. En concédant les autoroutes françaises à des groupes privés du BTP, l'État a-t-il fait une mauvaise affaire ? En tout cas, pour les automobilistes, la cause est entendue, parce que ce sont eux qui ouvrent le portefeuille face à l'augmentation inexorable des tarifs de péage. Nous allons vous raconter comment nos autoroutes sont devenues une véritable machine à cash pour Vinci, Eiffage et un groupe espagnol, les trois entreprises qui se partagent le réseau français depuis une vingtaine d'années. Depuis les années 2000, au cours desquelles les gouvernements de droite comme de gauche ont commencé à disperser les bijoux de famille. C'est Lionel Jospin, premier ministre socialiste, qui tire le premier en 2001, ouvrant la porte de la privatisation des sociétés d'autoroutes. Puis Dominique de Villepin et son directeur de cabinet Bruno Le Maire finiront le travail en 2005 en vendant 100% de leur capital. Notre invité aujourd'hui, Benoît Colomba, journaliste à France Inter, membre de la cellule d'investigation de Radio France. Il a enquêté pour Secret d'Info sur ces contrats de concession dont les automobilistes paient le prix fort. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Allez, passez les gars, oh, oh. Dis-leur qu'il n'y en a pas un qui les paye à ce gros. Non, personne ne les touche. C'est la deuxième fois en 15 jours que cette barrière de péage est la cible des casseurs. Le 1er décembre dernier déjà, un véhicule en feu avait été amené sur le site. En cette nuit de la mi-décembre 2018, l'air pique un peu à Bandol, dans le Var. Mais un immense feu ne tarde pas à réchauffer la poignée de gilets jaunes présents depuis le début de la soirée dans la gare de péage qui mène à l'autoroute. Sous les vivats, les flammes font fondre les barrières et atteignent rapidement le plafond de la structure. Téléphone en main, les gilets jaunes filment et diffusent leurs exploits en direct sur Facebook. Et on entend « Plus jamais on ne paiera le péage à Bandol ». Les images sont forcément impressionnantes, comme les dégâts découverts au lever du jour. Depuis plusieurs semaines, la France vit au rythme des manifestations. Les révoltés de la taxe carbone bloquent les ronds-points, envahissent aussi les gares de péage des autoroutes. Parfois, pour faire de gros dégâts, comme à Bandol. La plupart du temps, pour prendre le contrôle des barrières. De mi-novembre jusqu'à la mi-décembre, les samedis à Carcassonne, Aix-en-Provence, Buchelet dans les Yvelines ou encore à Senlis dans l'Oise, les automobilistes entrent sur l'autoroute sans sortir leur porte-monnaie. Un manque à gagner que les sociétés d'autoroutes sont bien décidées à se faire rembourser. Des dizaines d'opérations péage gratuit organisées par les gilets jaunes. On va prendre votre ticket, vous payez pas aujourd'hui ces cadeaux, c'est à la santé du gouvernement. Gratuit, enfin pas tout à fait. Car lorsque ces automobilistes franchissent ce péage, leurs plaques d'immatriculation sont automatiquement enregistrées par des caméras. Vinci Autoroute a donc annoncé hier vouloir leur envoyer la facture. Tollé dans la classe politique et embarras du gouvernement. Je trouve ça très incongru, pour le dire avec politesse. Vinci qui présente la facture des gilets jaunes aux automobilistes, le symbole est particulièrement inflammable. Alors au moment où le pays résonne de revendications contre la vie chère, qu'une entreprise très profitable envisage de se servir une fois de plus dans les poches des Français, ça ne passe pas. D'ailleurs, Vinci fait rapidement marche arrière. Le lendemain de son annonce, le groupe indique en effet qu'il ne poursuivra pas les automobilistes qui ont pu bénéficier des opérations péage gratuit. Mais cela entache encore un peu plus l'image des sociétés gestionnaires d'autoroutes. Depuis que des gros groupes privés du BTP abreuvent nos sillons de bitume, ils sont soupçonnés de se gaver sur le dos des automobilistes. Et l'État laisse faire. C'est le reflet de l'histoire controversée des autoroutes. « Au commencement, dans la France de René Coty et du général de Gaulle, c'est l'État, bien sûr, qui est chargé de construire les nouvelles routes du progrès, les autoroutes. En ce début des années 50, le pays est à la traîne. 100 petits kilomètres pour tout le territoire. Tout à fait insuffisant pour faire face à l'explosion de la voiture. En 1954, s'ouvre enfin le premier tronçon, un bout de ce qu'on appellera plus tard l'A1, entre Lille et Paris. La construction a duré 3 ans, orchestrée par le ministère des Transports. Dans la France du plan, de l'économie planifiée, un programme ambitieux est sur les rails. Il faut trouver la bonne organisation. En 1955, Antoine Pinet, alors ministre des Transports, élabore une loi pour ordonner ce chantier pharaonique. Des sociétés sont créées, chargées de la construction et de l'entretien des ouvrages. Ce sont des sociétés d'économie mixte qui mêlent des capitaux publics ultra-majoritaires, l'État principalement, et les communes, et un peu de participation du privé, des banques, des assureurs surtout. L'État concède à ces nouvelles sociétés qu'il contrôle la gestion des autoroutes. Par cette loi, le gouvernement consacre aussi un moyen de financement au long cours. Ce sont les usagers qui paieront les constructions futures grâce à un péage, un mot qui fleure bon l'ancien régime. Il évoque, dans son principe, l'octroi à un impôt honni à l'origine de nombreuses révoltes populaires. Le français est ainsi fait qu'il n'aime pas payer d'impôt direct, tempête le président de l'Union routière. Alors, pour rassurer la population, le gouvernement fait une promesse qui aujourd'hui peut faire sourire. L'intérêt du péage, c'est de faciliter l'opération financière en permettant de recourir à l'emprunt. L'automobiliste fait un gain de temps extrêmement sensible, une économie très notable sur ses dépenses relatives à la voiture et un gain important de sécurité. De toute façon, ce péage sera limité dans le temps. Ce péage sera limité lorsque l'amortissement de l'autoroute sera assuré. La promesse d'un péage temporaire, elle fera long feu. Mais l'automobiliste des années 60 ne le sait pas encore. Non, pour l'heure, il se réjouit de pouvoir rejoindre la Côte d'Azur en filant plus vite que le vent. Comme le rapporte Guy Ray, le présentateur des actualités françaises du 5 juillet 1961. Dans le même temps, le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture dans sa totalité de l'autoroute Estérel Côte d'Azur, qui est la première autoroute française à péage. Il convient de noter que sa construction, qui a duré 5 ans, a coûté 22 milliards d'anciens francs. Désormais, grâce à ses 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Gain appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours. Ainsi, au fil des ans, le bitume grignote-t-il le paysage ? Les autoroutes relient les villes d'un bout à l'autre de la France, 1000 km en tout, en 1967. À l'aube des années 2000, le réseau a été multiplié par 10. Un péage en conditionne l'accès quasiment partout. À cette époque, deux courants entraînent vers la privatisation le gouvernement d'alors, celui dirigé par Lionel Jospin, un choix singulier pour une gauche plurielle. Mais d'un côté, s'affirme le besoin de nouvelles rentrées d'argent pour l'État, dont les finances ne sont pas au beau fixe. Et de l'autre, il y a les exigences de l'Union européenne en matière de concurrence. Une Europe économiquement libérale, qui n'apprécie guère le modèle des concessions accordées à des entités étatiques comme le sont les sociétés d'autoroutes. En octobre 2001, le ministre des Finances, Laurent Fabius, annonce l'ouverture minoritaire du capital d'ASF ou Autoroute du Sud de la France, la principale société concessionnaire publique de gestion des autoroutes. Ainsi que son introduction en bourse, 49% du capital d'ASF sont proposés au privé au prix de 25 euros par action. L'opération rapporte 1,8 milliard d'euros à l'État. Une somme qu'il réinvestit pour améliorer la situation financière des autres sociétés d'autoroutes publiques. Pas du tout. Le gouvernement Jospin en a besoin, en vérité, pour alimenter le fonds de réserve des retraites. Au retour de la droite aux manettes, sous la houlette de Jean-Pierre Raffarin en 2002, le vent favorable aux privatisations souffle encore davantage. Bercy presse à la vente des parts restantes de l'État dans les autres sociétés d'autoroutes. Mais le ministre en charge des transports, Gilles de Robien, résiste. Et il le raconte à Benoît Colomba dans Secret d'Info. À Bercy, chaque ministre qui me reçoit me dit qu'il faut vendre les autoroutes, ça fera une recette pour l'État, ça baissera la dette de l'État, ça baissera le déficit de l'État. Et moi, j'avais fait faire par une grande banque de la place une étude extrêmement fine, extrêmement poussée, qui disait que les autoroutes étaient une manne pour l'État. Mon argument de défense était tellement solide que le ministre Francis Maire en a convenu et il y a eu un arbitrage à Matignon sous l'autorité de Jean-Pierre Raffarin qui a convenu qu'il fallait garder les autoroutes. Une manne pour l'État. Après de très lourds investissements, les sociétés autoroutières commençaient à voir le bout de leurs dettes. Et quand l'argent des péages ne devra plus être consacré au remboursement des dettes, il allait pouvoir commencer à tomber dans les poches des actionnaires de ces entreprises, dont l'État, majoritaire. Mais la nomination d'un nouveau gouvernement va changer la donne. Replongeons-nous un instant dans le contexte politique de l'époque. Nous sommes fin mai 2005... Le président Chirac a perdu son pari. Les Français ont voté non au traité constitutionnel européen. Réponse à cette crise politique, Jean-Pierre Raffarin est prié de quitter Matignon et c'est Dominique de Villepin qui prend sa place. Le 8 juin 2005, l'homme de l'ombre passait à la lumière. L'ancien secrétaire général de l'Élysée prononce son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Sur un ton austère, bien loin des envolées lyriques qu'on lui connaît, il glisse cette petite phrase. J'ai décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. En clair, Dominique de Villepin veut achever ce qu'a commencé Lionel Jospin. Mais cette fois, la privatisation des sociétés d'autoroutes serait totale. De quoi faire bondir les opposants au sein même de la Chirakie, François Bayrou en tête, qui menace de saisir le Conseil d'État pour faire capoter le projet de Dominique de Villepin. Vendre ce bien sur lequel on avait garanti la totalité des équipements de transport, TGV, ferroutage, voie fluviale, voie maritime pour l'avenir de la France, on avait garanti cela sur les sociétés d'autoroute. Le vendre, c'est abandonner ces équipements. Je dis que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. La loi interdit de privatiser une entreprise dans laquelle l'État est majoritaire sans qu'il y ait débat au Parlement et vote d'une loi. François Bayrou peut gesticuler devant les caméras. Le projet de privatisation des sociétés d'autoroutes suit son cours. Le gouvernement, comme souvent sous la Ve République, s'assoit copieusement sur un avis du Parlement et prend le 2 février 2006 un décret autorisant le transfert vers le privé des parts de l'État dans le capital des sociétés. Montant de la vente, 14 milliards et 700 millions d'euros, voire 800 millions selon les sources. Une somme presque entièrement dévolue au désendettement de l'État. C'est la rengaine politique du moment. L'État vit au-dessus de ses moyens. Bientôt, un autre Premier ministre, François Fillon, celui qui succédera à Dominique de Villepin à Matignon, parlera même d'État en faillite. La réduction de la dette est l'objectif politique numéro un de l'époque. Ainsi, trois grosses entreprises deviennent gestionnaires des autoroutes françaises. Vinci, un groupe formé autour du géant du BTP, Eiffage et un troisième groupe espagnol, Abertis. Précisons-le, ces trois entreprises ne deviennent pas propriétaires des autoroutes, non. Ce sont les sociétés gestionnaires qui ont été privatisées, pas les autoroutes elles-mêmes, qui restent propriétés de l'État. Elles ne sont que concédées pour un temps donné. À charge alors de Vinci et de ses concurrents de les entretenir et d'en améliorer les structures, en échange, bien sûr, de l'argent versé au péage par les automobilistes. Mais au terme de la concession, l'État doit les récupérer. Voilà pour la théorie. Mais parlons de la concession, justement. C'est l'un des nerfs de la guerre. Sans cesse, les sociétés d'autoroutes, désormais privées, vont tout tenter pour rallonger le bail. Et elles vont globalement y parvenir en négociant sans cesse de nouvelles conditions avec l'État. Mais c'est une autre critique qui va émerger dans le débat public. Le 24 juillet 2013, la Cour des comptes tire à boulet rouge sur cette privatisation. Dans le collimateur des magistrats financiers, l'augmentation des tarifs de péage plus rapide que celle du coût de la vie. Ce même 24 juillet, le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, en dénonce le principe devant les députés. La règle d'évolution des tarifs garantit une hausse annuelle minimale du tarif kilométrique moyen à hauteur de 70% de l'inflation. En pratique, l'augmentation est nettement supérieure au plancher. Le modèle retenu part du principe que tous les investissements doivent être compensés par des hausses de tarifs. Les bénéfices des sociétés n'ont pas vocation à être réinvestis ou à permettre une diminution des tarifs. Ce modèle ne peut qu'aboutir à une hausse continue des tarifs. En clair, les hausses de tarifs garanties par les contrats passés entre l'État et les sociétés d'autoroutes servent surtout à alimenter le bénéfice de ces dernières. Et cette petite musique ne tarde pas à monter. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de l'autorité de la concurrence de dénoncer une rente injustifiée. Je la cite. Les chiffres d'affaires, comme les profits, ont rapidement grimpé depuis la privatisation. Et la distribution de dividendes aux actionnaires a suivi le mouvement. Pour cette autorité indépendante, l'État doit vite renégocier les contrats qui le lient aux sociétés concessionnaires. Et les rapports accusateurs se succèdent. L'opinion publique voit le prix des péages grimper inexorablement. En cette dernière partie d'année 2014, le dossier est brûlant pour le gouvernement, celui de Manuel Valls. Ségolène Royal y dispose du maroquin de l'environnement qui englobe les transports, confié au ministre délégué Alain Vidaliès. Elle tente alors un coup politique qui va s'avérer particulièrement contre-productif. Aujourd'hui, les autoroutes françaises privatisées, par ici la bonne affaire. France Inter, affaires sensibles. Nous sommes le 16 décembre 2014, au petit matin. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui englobe les transports avec un ministère délégué, a des annonces à faire. Elle s'est donc invitée sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Ségolène Royal, je commence avec les autoroutes. Des décisions vont être prises dans la semaine par le gouvernement. Avant la fin de l'année, oui. Avant la fin de l'année. Nous sommes le 16, donc très vite. Voilà. Gel des tarifs en 2015 ? Il faudrait. C'est un des points qui est en discussion avec les sociétés d'autoroutes. Vous souhaitez que les tarifs soient gelés ? Je le souhaite. Je le souhaite pourquoi ? Parce que les tarifs ont trop augmenté par rapport à la hausse du coût de la vie. Donc il faut rendre aux automobilistes un peu de justice et d'équité tarifaire. La sortie de la ministre est très remarquée. Les micro-trottoirs d'automobilistes réjouis se multiplient dans les JT. Mais du côté de Vinci, Eiffage et Abertis, on est furieux, évidemment. Le bras de fer entamé avec l'État quelques mois plus tôt se corse. Parce que, loin des regards médiatiques et des annonces tonitruantes de plateau, les sociétés d'autoroutes ne cessent de négocier avec l'État. Oui, très régulièrement depuis la privatisation de 2006. Elles tentent de conforter leur position et de rendre leur investissement le plus rentable possible. En 2009 déjà, 3 ans seulement après la prise de pouvoir des Fages et de ses homologues, un nouveau programme de travaux est établi. En échange, les 3 sociétés obtiennent une première prolongation de la durée de leur concession. En 2012, bis repetita, l'État remet un plan de relance autoroutier sur la table. Selon le même principe, travaux contre nouvelle prolongation du bail. Mais les sociétés d'autoroutes veulent s'engager à minima, donc elles rechignent. C'est en tout cas le sentiment de Ségolène Royal et de son cabinet. L'annonce du gel des tarifs de péage, c'est une façon, selon elle, de forcer Vinci et les autres à revenir à la table des négociations. Apparemment, le gouvernement colle à cette ligne dure. Il faut dire que Manuel Valls est mis sous pression par sa majorité parlementaire. Au mi-temps du quinquennat de François Hollande, les députés frondeurs tentent de repeindre en rose la politique menée par le gouvernement. Et batailler contre la privatisation des sociétés d'autoroutes est l'un de ses marqueurs de gauche. Le 10 décembre 2014, quelques jours avant l'interview de Ségolène Royal chez Bourdin, 152 députés rendent publique une lettre adressée à Manuel Valls. Ils y réclament la résiliation en avance des contrats de concession. Il s'agirait là d'un puissant acte de gauche, martèle-t-il. Le 27 janvier 2015, le Premier ministre annonce qu'il veut associer les parlementaires à la réflexion sur l'avenir des autoroutes. Il crée alors un groupe de réflexion, mélangeant députés et sénateurs. Charge à eux d'explorer toutes les options possibles. Au même moment, le gouvernement prend un décret gelant les tarifs de péage pour l'année 2015. Bien. Mais en coulisses, la position du gouvernement n'est pas aussi inflexible. Jean-Paul Changuet s'en rend rapidement compte. C'est un député socialiste. Il connaît bien le sujet des autoroutes. Il vient justement de rendre un rapport sur ce sujet, précisément. Et lui aussi plaide pour la fin des concessions. Mais au sein du groupe de travail parlementaire auquel il participe, il s'aperçoit que ce n'est pas une option prise au sérieux par le gouvernement. Et c'est ce que font valoir les 2 représentants de l'État dans ce groupe de réflexion. Autrement dit, la directrice de cabinet de Ségolène Royal, Elisabeth Borne, et son homologue au ministère de l'Économie, Alexis Kohler. Parce qu'en réalité, parallèlement, le gouvernement est en train de négocier un nouvel accord avec les sociétés d'autoroutes. L'objectif, c'était de nous faire accepter les termes du protocole d'accord que l'on négociait dans notre dos, de nous conduire à cautionner ce protocole d'accord avec les sociétés d'autoroutes. C'était ça l'objectif. Les dés étaient pipés. Le député Changuet démissionne du groupe de travail parlementaire. Sans émouvoir grand monde, et sûrement pas le gouvernement, qui se réjouit plutôt d'annoncer qu'un accord vient d'être trouvé avec les sociétés d'autoroute. Le 9 avril 2015, il ne sont pas moins de 3 ministres à entourer Manuel Valls sur une estrade installée dans la salle de presse de Matignon. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, et Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. La bonne nouvelle, les sociétés d'autoroutes s'engagent à effectuer pour 3 milliards et 200 millions d'euros de travaux sur le réseau. Un sacré coup de pouce pour une croissance plus forte, répète le gouvernement. Oui, peut-être. Mais on n'en sait guère plus. Pour les détails, Manuel Valls se fait discret. Ce n'est qu'au terme d'un parcours judiciaire homérique qu'on connaîtra les conditions exactes de cet accord. Il se trouve qu'un militant écologiste de Grenoble, Raymond Avrillier, demande au ministère de l'Économie de lui communiquer le texte comme la loi l'autorise. Refus tout net d'Emmanuel Macron, alors locataire de Bercy. Avrillier, lanceur d'alerte têtu, saisit le tribunal administratif qui lui donne raison. Et Emmanuel Macron se pourvoit alors en cassation et finit par perdre. 3 longues années après l'annonce de ce protocole d'accord, il est enfin rendu public grâce à la pugnacité de Raymond Avrillier. Et il révèle, ce rapport, que les sociétés d'autoroutes ne sont pas sorties perdantes de cette négociation avec l'État. Bien au contraire, elles y ont évidemment gagné une rallonge de la durée de concession de 2 à presque 4 ans. Quant au fameux gel des tarifs de péage pour 2015, il sera rattrapé au fil des années. Donc, pas de perte en vue pour Vinci et consorts. Mais quoi qu'en dise Ségolène Royal, elle qui a farouchement défendu ce gel de tarifs au nom de la justice et de l'équité pour les automobilistes, eh bien Ségolène Royal, dont la signature figure au bas du protocole d'accord, s'en explique. En 2020, devant la commission d'enquête sénatoriale sur les concessions d'autoroutes. Une explication surprenante. Vous avez été informé de l'avancement de ces négociations ? Pas vraiment, j'ai pas vraiment suivi. Parce que d'abord, on était début l'année, il y avait la préparation de la conférence de Paris sur le climat, parce que c'est un ministère extrêmement lourd. Il y avait la loi de transition énergétique à faire voter, enfin, il y a un travail colossal. Et à partir du moment où Matignon avait délégué, il n'y a pas eu de raison de ne pas faire confiance à ceux qui étaient chargés de négocier. Et puis il y avait le secrétaire d'État au transport, mais j'ai appris qu'après, qu'il n'avait pas été mis dans la boucle. Bon, je déléguais beaucoup à Alain Vidalis. Dans mon esprit, c'était à lui plutôt de suivre ça, pareil. Parce que lui, il a refusé. Et donc, je vous avoue, j'ai pas suivi les négociations. Il a refusé de signer, quoi. C'est ce que j'ai vu après. Et vous n'avez pas refusé de signer? Non. Le Premier ministre avait décidé la configuration de la négociation. Au fin de la négociation, on me dit c'est négocié. Je signe, oui. Mais je n'ai pas accès au... J'ai pas la curiosité de regarder le contenu. Ségolène Royal ne sera donc pas la ministre qui aura fait plier les sociétés d'autoroutes. Les années passent et les augmentations se poursuivent. Plus 1,5% en 2016, 2017 et 2018, plus 2% en 2022, plus 4,75% en 2023. Chaque début d'année, les journaux télévisés revisitent ce marronnier interviewant des automobilistes croussés aux bornes de péage, eux qui déplorent d'être devenus les poules aux œufs d'or de Vinci et des autres. Pour les sociétés concernées pourtant, rien d'anormal dans ces hausses. D'ailleurs, elles sont prévues dans les contrats. Et puis, elles ne sont pas des organismes de philanthropie, comme le défend l'un de leurs représentants, Jean Mesqui, au micro de Secret Info. Les sociétés sont des sociétés privées. Comme toute entreprise privée, leur objectif, c'est de gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on meurt. Toute entreprise privée, encore une fois, s'organise de telle manière qu'elle essaye de faire valoir ses intérêts auprès de ses interlocuteurs. Voilà, c'est dans les gènes d'une entreprise. Donc, je pense que nous sommes efficaces, comme d'autres entreprises, pour le faire. Comme ça, c'est clair. Le pouvoir d'achat des automobilistes n'est que le cadet de leurs soucis. Mais cette situation est-elle tenable en cas d'inflation forte ? On rappelle que l'augmentation des péages est prévue dans les contrats et indexée sur l'inflation. Après une hausse de 4,75% en 2023, la facture risque d'être encore plus salée en 2024. Assez pour faire bouger le gouvernement actuel ? Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a remis le dossier sur la table il y a quelques mois. En mars dernier, il annonce l'intention de raccourcir le délai de concession. Elle court jusqu'en 2031, voire 2036 pour certaines. Mais le ministre envisage de les réduire de quelques années. Cette même option qui était promue par les députés socialistes en 2014 et qui avait été balayée de la main par le gouvernement de l'époque socialiste. Devant les députés, Bruno Le Maire indique... Les calculs réalisés en 2005 avant la cession des parts au privé n'ont pas été les bons. Nous nous sommes trompés, dit-il encore. Des propos en rupture avec ceux d'un certain Bruno Le Maire. Le ministre actuel de l'économie connaît bien le dossier. C'est lui qui a dirigé l'opération de privatisation en 2005 en tant que directeur de cabinet du premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Et en 2020, quand il est auditionné à ce titre par la commission d'enquête sénatoriale, il ne parle absolument pas de mauvais calculs. La deuxième grande question qui se pose, c'est est-ce que nous avons réussi cette opération financière ? Oui, l'opération financière a été réussie. S'agissant de la méthode, je pense qu'elle n'est pas critiquable. Les opérations de privatisation ont suivi une procédure stricte et rigoureuse. Elles ont donné lieu à des mises en concurrence par appel d'offres, organisées par l'Agence des participations de l'État, sous le contrôle, comme il va de soi, de la Commission des participations et des transferts. 18 entités au total se sont portées candidates, et cette méthode d'appel d'offres nous a permis d'obtenir le meilleur prix. La vente des parts publiques des sociétés concessionnaires autoroutières a rapporté près de 15 milliards d'euros à l'État, 14,8 précisément. Je sais que la Cour des comptes, dans un rapport de 2009, a critiqué les conditions de cession et estimé que ces produits de cession auraient pu être supérieurs. Cela m'arrive rarement, mais je conteste ces critiques. Alors, qui croire ? Le Bruno Le Maire de 2020 ? Celui qui assure que la privatisation était une excellente affaire pour l'État ? Ou le Bruno Le Maire de 2023 qui reconnaît que les calculs n'étaient pas les bons et qui voudrait réduire la durée des concessions ? Ou bien encore, le Bruno Le Maire de 2021 ? Celui à qui l'inspection générale des finances remettait un rapport, oui, un énième rapport, dénonçant les super-profits des sociétés d'autoroutes ? Un rapport que Bruno Le Maire a gardé secrètement dans le tiroir de son bureau jusqu'à ce que le canard enchaîné en dévoile la teneur. Parmi toutes ces options, une seule certitude. Il n'est jamais question de revenir à la promesse originelle de l'État. Les péages, qui ne devaient être que temporaires, se sont bel et bien installés dans le paysage. Et les automobilistes n'ont pas fini de payer. Toute la nuit et la journée entière, sans savoir où on va. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Les autoroutes françaises, machine à cash, on en parle avec vous, Benoît Colomba, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité, même si vous êtes dans la maison, puisque vous faites partie de la cellule d'investigation de Radio France, journaliste à France Inter. Vous avez enquêté sur la privatisation des sociétés d'autoroutes pour l'émission, évidemment, Secret d'Info. Que peut-on répondre à votre avis, et pour commencer, à cette question sans cesse mise sur la table depuis la privatisation, l'État a-t-il fait, oui ou non, une mauvaise affaire, ou une si mauvaise affaire que ça? Bah, je dirais que oui, l'État a doublement fait une mauvaise affaire. Si on met de côté la reprise de la dette de 20 milliards, la cession du capital a donc été actée à 14 milliards 800 millions d'euros. La Cour des comptes elle-même a dit dans un rapport en 2009 que le juste prix pour elle, c'était 24 milliards. Il y a d'autres sources, d'autres experts qui estiment aussi que le bon prix, ça aurait dû être 5 ou 10 milliards de plus. Alors, c'est contesté par les principaux intéressés. Hein. On a entendu Bruno Le Maire il y a quelques instants. Mais je dirais que, quelque part, le principal scandale n'est presque pas là. Parce que l'État a aussi choisi, finalement, entre guillemets, de faire une mauvaise affaire parce qu'il n'a pas mis en place un système de contrôle de ces contrats de concession. C'est ce que les sénateurs, la commission d'enquête sénatoriale, a appelé le péché originel. Pourquoi le péché originel? Parce qu'en fait, dès le début, l'État n'a pas voulu réviser les contrats de concession. On l'a dit, l'État avait la main dans ces sociétés d'économie mixte. Là, on a affaire à des acteurs privés. On n'est plus du tout dans le même cas de figure. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'examen sérieux, finalement, de l'économie générale de ces contrats de concession, du modèle financier autour de ces contrats de concession. Et dernièrement, dernier point, surtout, il n'y a pas eu de clause de revoyure. C'est-à-dire que l'État n'a pas mis en place un dispositif qui aurait permis de contrôler tout ça, c'est-à-dire que chaque année, par exemple, ou tous les 5 ans, de remettre son nez dans ses contrats de concession, et s'il y a des surprofits, ce qui a été le cas, bah, éventuellement, de les réviser. Et là, on est vraiment dans un modèle économique avec des marges nettes dignes de l'industrie du luxe. Et on est dans un modèle aussi de société ou des sociétés économiques qui fleurent le libéralisme. On voit que entre l'État et la sphère privée, c'est pas l'État qui gagne, quoi. Et on est dans cette mouvance-là. Et c'est un balancier historique, hein. Ça fait 40 ans que ça dure. Oui, mais alors, on voit justement que ça va mobiliser quand même des responsables politiques des deux côtés. On a entendu Jean-Paul Chanteguet, qui est un socialiste qui était vent debout contre cette privatisation. Il y a des hommes de droite aussi. On a entendu Gilles de Robien, qui était ministre des Transports, qui explique très bien comment Bercy essayait de faire pression sur lui pour privatiser les autoroutes. Effectivement, ça sera fait avec Dominique de Villepin. À ce moment-là, Gilles de Robien était ministre de l'Éducation nationale, donc il n'avait plus son mot à dire. Bayrou proteste aussi. François Bayrou proteste aussi. Je pense aussi à un personnage comme le Gilles Carrez, qui est c'est très intéressant, Gilles Carrez, qui est le rapporteur général du budget à l'époque, UMP, donc les ancêtres des Républicains. Et lui, c'est intéressant parce que Gilles Carrez, c'est un homme de droite, un libéral, il s'assume comme tel. Mais là, il est fermement opposé à cette privatisation. Pourquoi ? Parce que il considère que c'est un non-sens économique. Et tout libéral qu'il est, il considère avec d'autres que l'État n'a pas forcément à servir systématiquement le marché ou les intérêts du privé. Et il y a deux points en fait qui vraiment cristallisent l'opposition finalement de ces responsables de droite. Premièrement, l'État ne doit pas céder ses infrastructures. Voilà, ça c'est vraiment un domaine stratégique. D'ailleurs, Gilles Carrez était aussi opposé à la privatisation d'Aéroports de Paris. Et deuxièmement, en cas de guerre, en cas de conflit, c'est très important. Voilà, l'État doit garder la main sur ces dispositifs tout à fait stratégiques. Et puis deuxièmement, c'est l'idée que finalement privatiser un monopole, bah, c'est mettre en place une rente. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Alors, depuis la privatisation, les rapports critiques se sont succédés, hein. De la Cour des comptes à l'autorité de la concurrence, en passant par l'inspection générale des finances. Alors, est-ce que ces rapports disent tous la même chose? Est-ce qu'ils pointent les mêmes problèmes? Disons que, oui, globalement, ces rapports racontent la même histoire. C'est-à-dire que, en fait, ils expliquent que l'État n'a pas défendu ses intérêts. L'État n'a pas défendu ses intérêts et à chaque fois, ce qui revient, c'est vraiment des rendements exceptionnels qui ne sont pas justifiés. Alors, on ne va pas citer tous les rapports, mais on peut citer par exemple le rapport de la Cour des comptes encore elle en 2019, qui revient justement sur ce plan de relance autoroutier, ce qui a été négocié en 2015, on l'a entendu, contre l'allongement des concessions, l'augmentation des péages, les sociétés autoroutières s'engagent à aller sur des travaux de 3 milliards 200 millions d'euros, des investissements, etc. La Cour des comptes estime finalement que ça va provoquer un gain des recettes supplémentaires de 15 milliards d'euros. On a également des rapports de l'autorité de régulation des transports qui disent des choses très intéressantes aussi. Par exemple, la conséquence du gel des tarifs des péages en 2015, finalement, va se faire sur le dos des usagers pour un montant de 500 millions d'euros. Un autre rapport de l'autorité de régulation des transports, cette fois sur les travaux, parce que c'est très intéressant aussi sur les travaux. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que tous les travaux promis ont été faits? Est-ce que les travaux qui ont été faits les travaux programmés n'étaient pas déjà des travaux qui devaient être faits? D'ailleurs, des travaux qui ont été très profitables pour des sociétés du bâtiment qui appartenaient à certains groupes de sociétés autoroutières. Là-dessus, l'autorité de régulation des transports dit qu'il y a eu un surcoût de 600 millions autour de ces travaux. Et puis, ce qui est aussi quand même notable, c'est qu'au sein même de l'État, des hauts fonctionnaires, ils vont signer des rapports tout à fait ravageurs, très critiques sur la manière dont tout ça s'est passé. Il y a ce rapport donc de février 2021 de l'Inspection Générale des Finances, du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, qui sont pas connus pour être des officines gauchistes, et qui disent quoi? Alors c'est un peu technique, mais c'est très intéressant. En gros, ils expliquent que le taux de rentabilité interne pour les actionnaires qui avait été négocié avec l'État au début, autour de 7%, en fait, n'était pas le taux réel de rentabilité. Il gagnait plus. Beaucoup plus important, autour de 12%. Et évidemment, ça fait rentrer beaucoup plus d'argent pour les actionnaires. Et l'Inspection Générale des Finances, tout bien pesé, considérait que tout ce qu'il y a eu comme aide de l'État, etc., ça a été un gain finalement pour les sociétés autoritaires de 55 milliards d'euros. Donc c'est vrai que les rapports critiques n'ont cessé de s'amonceler au fil des ans. Vous avez eu du mal à enquêter parce que apparemment il y a une certaine opacité dans tout cela. Une certaine opacité sur effectivement le détail précis des négociations. On l'a évoqué, il y a ce fameux protocole d'accord de 2015 qui finalement a pu être obtenu par Raymond Avrillier, donc cet élu écologiste. On arrive à avoir des témoignages. Avoir ce document finalement qui est sorti, c'était très important parce que ça raconte vraiment, ça documente vraiment l'état du rapport de force entre les sociétés autoroutières et l'État. On constate finalement que l'État a choisi de se lier les mains. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la temporalité, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui refusait que ce rapport soit rendu public, le tribunal administratif l'obligeait à publier ce rapport. Il saisit finalement le Conseil d'État et il le fait juste avant de partir, de s'engager pour la campagne présidentielle. Et pourquoi ce combat? Pourquoi il mène ce combat? Emmanuel Macron, pourquoi il veut pas dire? Il faudrait lui demander. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde ce protocole d'accord, au-delà du fait que il y a l'augmentation automatique du tarif des péages, il y a une disposition qui est très gênante. C'est une clause de neutralité fiscale. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? En fait, les sociétés autoroutières obtiennent de l'État la garantie qu'il n'y aura pas d'impôt ou d'impôt exceptionnel ou de taxe sur elles. Et si c'était le cas, s'il devait y avoir une taxe ou un impôt, les sociétés obtiennent automatiquement l'allongement de la durée des concessions ou l'augmentation du tarif des péages. Tout va bien. Donc, c'est vraiment un totem d'immunité fiscale accordé par l'État. J'ajoute que les sociétés autoroutières, comme d'autres, vont aussi bénéficier de la baisse de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés qui va passer de 33% à 25%. Et là aussi, ça va être un gain pour elles. On va se retrouver dans 3 minutes, Benoît Colomba, après avoir goûté à Le Schneider, avant elle. Rien à espérer de moi. tracé ton chemin, t'arrêtes pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. J'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Un mot encore, Benoît Colomba. Je rappelle, journaliste à France Inter, vous avez enquêté sur cette affaire des autoroutes pour Secret d'Info. Au cœur des négociations, on retrouve deux personnages qui étaient alors plutôt des personnages de l'ombre à l'époque et qui sont en pleine lumière aujourd'hui. C'est moins qu'on puisse dire. Elisabeth Borne, première ministre, Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Quels ont été leurs rôles et quelles étaient à l'époque leurs positions sur les concessions aux sociétés d'autoroutes? Je rappelle, c'est le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la durée de la concession. Oui, effectivement, ces deux personnes ont joué un rôle central dans les négociations. Alors, à l'époque, donc, Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre, est directrice de cabinet de Ségolène Royal, donc ministre de l'Environnement. Elle a aussi une particularité, elle connaît très bien le monde des sociétés autoroutières parce qu'elle-même a été responsable des concessions chez Eiffage de 2007 à 2008. Alexis Kohler, donc, actuel secrétaire général de l'Élysée, lui, est directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Puis il y a une troisième personne, alors c'est pas un responsable politique, mais qui joue un rôle clé dans ces négociations, c'est Bruno Angle. En fait, c'est l'homme qui représente les sociétés autoroutières dans les négociations. Et lui aussi, son CV est intéressant, ça vaut de s'y intéresser quelques instants, parce qu'il connaît bien les rouages de l'État. Il a travaillé, il était conseiller au ministère de l'équipement dans les années 90. Il a travaillé, il est passé par Vinci Énergie, par McKinsey, avant de diriger le Crédit Suisse France et Belgique. Donc c'est vraiment lui qui est au cœur des négociations. Alors, la position d'Elisabeth Borne et Alexis Kohler, quand ils ont été entendus par la commission d'enquête sénatoriale, bon, ils ont expliqué qu'ils ont obtenu, selon eux, un accord qui leur semblait raisonnable, défendant les intérêts de l'État, etc. Bon, ce qu'on sait, moi, ce que j'ai pu savoir, c'est qu'en fait, dès le début, Alexis Kohler et Elisabeth Borne sont vraiment sur une ligne de dire, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour l'État. Et ça a été dit hein, dans le récit. Au début, on avait un peu vendu l'idée de dire que toutes les options étaient sur la table, y compris la résiliation des contrats de concession. Pas du tout. Ouais. Et en plus, il y avait l'épée de Damoclès de poursuites judiciaires par les sociétés autoroutières hein, qui avaient saisi la justice pour justement tenter de contrer le gel des tarifs des péages. Donc, on est dans cette ambiance-là. Bon, pour résumer, je dirais que on peut supposer que vraiment les sociétés autoroutières n'étaient pas inquiètes, elles étaient plutôt dans leurs pantoufles. En position de force présumée, en tout cas. Est-ce que l'Europe joue un rôle ? On connaît la politique économique de l'Europe, l'ouverture à la concurrence qui passe par un affaiblissement des États. De toute façon, est-ce qu'on est dans cette mouvance-là aussi ? Est-ce qu'on sent l'épée de Damoclès de l'Europe ? Oui, il y a ça, évidemment, en fond de tableau. Hein. Je suis pas sûr que ça soit la donnée principale dans cette affaire. Hein. On l'a dit, y compris au sein de la droite, il y avait plusieurs personnalités qui étaient vent debout contre cette privatisation. Mmh. Alors, au bout du compte, comment analyser le changement de pied de Bruno Le Maire, qui déclare désormais, cette année, hein, réfléchir à une réduction de la durée des concessions, est-ce que c'est possible ? C'est du discours. Il est coincé politiquement, hein, Bruno Le Maire, directeur de cabinet Dominique de Villepin, cheville ouvrière de la privatisation, et aujourd'hui il se retrouve avec de manière quasiment unanime des critiques autour de la manière dont tout ça s'est fait, y compris au sein même de ses propres services. Hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant quand même d'y revenir quelques instants parce que le rapport de l'inspection générale des finances, il est rendu en février 2021, mais il est publié dans la presse 2 ans plus tard. Il est resté dans un tiroir en tout cas. Il n'a pas fuité. Donc, publié par le Canard Enchaîné, Marianne, et puis un site aussi qui s'appelle Caradisiaque. Donc, le texte sort. Et encore une fois, il est dévastateur parce que quand on lit ce qui est écrit dans ce rapport de l'Inspection Générale des Finances, ils expliquent que, en fait, il faut vraiment faire quelque chose ou bien réduire la durée de ces concessions, voire baisser de 60% le montant des péages, ou voire faire une taxation vraiment extraordinaire. Donc là, il est coincé et donc il est obligé de faire mine de bouger un peu. Mais sur le fond, il assume complètement la décision politique qui a été prise à l'époque. Il fait juste un regret sur le fait qu'il estime qu'il y a une sous-estimation du fait que les sociétés autoroutières ont pu bénéficier de taux d'intérêt qui étaient plus favorables. Mais sur le fond, il est tout à fait, encore aujourd'hui, d'accord avec ce qui a été fait. On a parlé de Raymond Avrillier, le lanceur d'alerte grenoblois. On l'a pris très récemment, une dizaine de jours. Il a déposé une plainte contre l'État. En quoi consiste cette plainte ? Jusqu'où peut-elle mener ? Oui, effectivement, Raymond Avrillier, c'est vraiment l'homme emblématique dans cette affaire. Alors, il a d'abord tenté de faire annuler carrément le protocole d'accord de 2015. Hein, devant le Conseil d'État, il n'a pas obtenu gain de cause. Et là, en fait, il est en train d'essayer de tirer un autre fil qui est les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations, les échanges qui ont mené au protocole d'accord de 2015. C'est-à-dire qu'il essaye de tracer finalement les échanges de mails, de courriers, etc. entre les sociétés autoroutières et l'État. Pourquoi cette plainte ? En fait, c'est parce qu'il a eu deux réponse à la fois du ministère de l'économie et du secrétariat général du gouvernement, des réponses à la question est-ce qu'il y a eu des échanges, des travaux préparatoires. On lui a dit, on n'a rien retrouvé dans les archives. Et on lui a dit, non, il n'y a rien, finalement, désolé. Et sauf que il y a au moins 3 notes qui ont été rédigées entre 2013 et 2015 par les services de l'État sur justement les travaux préparatoires autour de ces négociations. D'où cette plainte qui a été déposée pour soupçon de faux. Voilà, donc on ne peut pas dire évidemment ce que ça va donner, mais c'est un nouveau front qui est ouvert dans une affaire qui compte déjà beaucoup de scandales. Toute dernière chose, rapidement, parce que ça passe, le temps passe. Au cours de votre enquête pour Secret d'Info, vous dévoilez aussi que les groupes dont nous avons beaucoup parlé, Vinci, Eiffage, etc., ont d'autres routes que les autoroutes dans le viseur. Oui, alors j'ai mis la main sur une note qui datait d'avril 2014, qui effectivement était une note de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, qui en fait lorgnait sur les routes nationales. C'est-à-dire il y a 10 000 kilomètres de réseau national non concédé, avec toujours la même argumentation, de dire, écoutez, ces routes ne sont pas en bon état. Oui, faute d'investissement, ces routes nationales ne sont pas en bon état. On va faire des voies sécurisées, tout ça. Et donc, nous, on est là, et on peut, toujours pareil, contre une augmentation de la durée des concessions, etc., reprendre ça en main et tout. Elles m'ont confirmé, ces sociétés, qu'elles étaient bien intéressées par ces portions qui pouvaient rejoindre les autoroutes. Et j'ai vu qu'en 2021, il y avait un décret qui avait été publié au Journal officiel, qui ouvrait la voie, possiblement, à cette possibilité-là. Cela dit, avec ce qu'on sait sur les autoroutes, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit très populaire. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Benoît Colomba. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les autoroutes par ici, la bonne affaire. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé.